Les manipulations. Avertissement, par rapport aux propos tenus dans le cadre de cet enregistrement, je ne demande pas de croire ce qui est dit, mais plutôt de vérifier par vous-même si cela est réel avec votre ressenti ou votre intellect. Bonne écoute. Beaucoup d'êtres humains sur Terre sont confrontés à des manipulations qui proviennent d'autres individus sur le plan physique ou également d'entités sur le plan psychique. Et ces manipulations-là sont en relation avec une influence qui est exercée sur eux, qui va échapper à leur conscience et à leur consentement libre et éclairé. Et ces manipulations-là visent à les amener à avoir certaines actions plutôt que d'autres. Donc, il y a différents types de manipulation, dans le sens qu'il peut y avoir, entre autres, de la manipulation qui provient d'entités qui vont parler au jeu dans le mental de l'individu. Et si l'individu n'est pas conscient que la pensée n'origine pas de lui, donc que la pensée provient d'ailleurs que son cerveau physique, eh bien, à ce moment-là, s'il reçoit une pensée qui est articulée en termes de « je » dans sa psyché et prononcée avec son timbre de voix, et qu'il y croit, eh bien, à ce moment-là, il peut être manipulable par elle pour agir dans une certaine direction. Et comme il croit que la pensée vient de lui, eh bien, il va s'exécuter sur le plan matériel en fonction de cette pensée-là, mais il ne le fera pas d'une manière libre et éclairée parce qu'il n'est pas conscient que ça ne provient pas de lui, cette pensée-là, qui s'articule de par une entité qui, sous le superfuge du « je », va parler au « je » dans son esprit. Pour vous donner un exemple concret de cela, ça peut être une personne qui reçoit la pensée dans le mental « je veux acheter une maison ». Et comme la personne croit que la pensée origine d'elle, eh bien, elle va acheter une maison. Plutôt que de poser la question à l'entité qui lui fait cette phrase dans le mental, « pourquoi que tu dis « je veux acheter une maison » ?» Et l'individu, au lieu d'exercer son esprit critique pour évaluer s'il a affaire à acheter une maison ou non, eh bien, il va recevoir la pensée « je veux acheter une maison » et il se met automatiquement en action sans se poser de questions et il achète la maison. Alors que l'individu qui se conscientise est capable de faire une lecture vibratoire se rattachant à la pensée pour voir si la pensée se rattache à une vibration qui est mentale, donc qui est haute, qui est vitalisante, ou astrale, qui est lourde et souvent chargée d'émotions. Donc, autrement dit, si la personne ne voit pas l'énergie qui est derrière la pensée qui est acheminée et qui se met à croire la pensée, donc la forme, parce que la pensée c'est une forme, eh bien à ce moment-là, il agit en fonction d'elle et cela peut l'amener, en étant manipulé comme ça par des pensées, à commettre des actions extrêmement négatives envers lui-même, à son détriment ou également envers les autres. Donc, la manipulation peut avoir des effets extrêmement négatifs parce que lorsque les gens sont manipulés à leur insu, à cause qu'ils sont inconscients, eh bien, ça peut amener des comportements destructeurs. Et pour se libérer de la manipulation, l'individu doit exercer, entre autres, son esprit critique, donc de ne pas croire tout ce qui lui est dit, que ce soit par des individus interposés, que ce soit par la télévision, la publicité qu'il perçoit aussi dans les médias, que ce soit aussi, bien sûr, par des entités. L'individu doit aussi développer sa capacité de s'affirmer, de dire non, que ce soit par rapport à des individus physiques ou des êtres sur le plan psychique, pour ne pas commettre des comportements avec lesquels il n'est pas en harmonie sur le plan vibratoire. Aussi, il doit être capable de contester toute forme de reproche injustifiée pour ne pas sombrer facilement dans un état de culpabilité à leur égard. Donc, autrement dit, c'est pas parce que la personne reçoit la pensée « je ne suis pas correct d'avoir mis fin rapidement au téléphone avec telle personne » que c'est nécessairement réel. Donc, autrement dit, il doit réaliser que derrière cette pensée-là qui émerge dans son mental, en réalité, c'est une réflexion qui le met en relation avec une entité astrale, qui achemine cette pensée-là pour l'amener à vibrer, à ressentir un état de culpabilité. Alors que si, lorsqu'il est confronté à une pensée comme ça, il pose la question, est-ce que c'est réel ou non de me sentir coupable d'avoir mis fin à, rapidement à la conversation avec quelqu'un? Est-ce que c'est réel ou pas de me sentir coupable? Est-ce que c'est intelligent ou pas? Et ça lui répond non, c'est pas réel, c'est pas intelligent de vivre la culpabilité alors que cette personne-là te grugeait ton énergie alors que tu lui parlais au téléphone. Donc, de mettre fin rapidement, c'est correct parce que ça permet de faire respecter ton territoire psychique. Et donc là, lorsque l'individu est capable d'amener l'entité à lui parler intelligemment, eh bien, à ce moment-là, ça crée une plus grande paix dans le mental et il se sent mieux dans sa peau. Ensuite, pour s'affranchir de la manipulation, l'individu peut faire preuve de persévérance pour obtenir les clarifications jugées nécessaires de par un autre individu ou de par d'entité. Donc, lorsqu'il est confronté à une situation problématique, quelque chose qui n'est pas clair, eh bien, à ce moment-là, il doit exercer sa volonté pour être capable d'aller chercher l'information pertinente pour lui permettre de comprendre qu'est-ce qui se passe au lieu d'être mystifié par la situation ou de sombrer dans la croyance à son égard. Donc, il doit être capable de faire la lumière sur la situation, d'aller au fond des choses pour y voir plus clair, pour ne pas se laisser manipuler dans le sens que quelqu'un ou une entité lui dit quelque chose et il le croit sur parole sans vérifier sur le plan vibratoire si ça fait écho ou non au réel ou de manière factuelle en faisant de la recherche scientifique pour voir si ce qui est énoncé correspond à une réalité qui est admise. Donc, autrement dit, soit qu'il vérifie avec la conscience supramentale, donc le mental qui est vibratoire ou intellectuel, et s'il n'est pas capable pour une raison ou une autre, au niveau de la conscience supramentale, ben, il peut exercer sa conscience intellectuelle au lieu d'être tout simplement dans la croyance naïve. Donc, il doit être capable de faire preuve de persévérance parce que il peut poser une question au plan mental puis ça ne répond pas. Il y a un grand silence. Et là, il peut revenir à charge puis, amener l'entité à lui parler. Puis là, il faut qu'il évalue par rapport à ce qui lui est présenté, si c'est intelligent ou non, toujours en fonction d'une lecture vibratoire. Et c'est cette capacité-là à être capable de remettre en question l'entité pour l'amener à lui parler intelligemment, que là, il peut avoir accès à de l'information de nature réelle. C'est possible par la suite qu'une entité qui lui acheminait des informations erronées lui dise que c'était tout simplement pour savoir si c'est une personne qui est naïve. Et c'était pour voir aussi à quel point elle était prête à faire preuve de volonté pour persévérer en fonction de son besoin d'y voir plus clair. Donc, autrement dit, l'exercice de la volonté, donc une intentionnalité individuelle, est extrêmement importante parce que c'est sur cette volonté précisément que l'individu va en venir avec le temps et son exercice à s'affranchir de toute forme de manipulation qu'il peut connaître à son insu et d'amener ce qui était obscur, qui le manipulait indirectement, à la clarté de sa conscience et de voir plus clair par rapport à toutes les formes d'influence qu'il ne percevait pas dans le passé. Donc, autrement dit, si quelqu'un est influencé par quelque chose qui lui échappe, eh bien, il va à ce moment-là subir l'influence. Alors que s'il est conscient d'une influence qui s'exerce, eh bien, à ce moment-là, il peut accepter d'aller dans le sens de l'influence ou non, mais il sait ce qu'il se passe, ce qui est très différent comme situation. Donc, autrement dit, si, par exemple, une personne vit de l'influence qui provient d'une entité qui lui dit qu'il doit aller souper ce soir au restaurant, eh bien, si ça lui parle en jeu dans le mental, donc l'entité lui dit « je veux aller manger au restaurant », eh bien, à ce moment-là, l'individu peut, en voyant que l'entité utilise le « je », lui demander de s'adresser avec lui sans le superfuge du « je », Donc, de lui parler au-dessus. Donc, autrement dit, l'individu peut dire à l'entité, parle-moi au-dessus parce que je sais que tu es là. Et là, l'entité peut lui dire, tu pourrais aller manger au restaurant ce soir. Et puis là, à ce moment-là, l'individu évalue d'une manière lucide s'il veut ou non aller manger au restaurant. Donc, à ce moment-là, il est conscient de l'influence et il ne subit plus la manipulation qui pouvait consister à recevoir la pensée « Je vais aller manger au restaurant », puis là, il va manger au restaurant en prenant sa voiture. Donc, c'est très subtil. C'est sûr que c'est la question de la manipulation qui provient entre autres des entités est extrêmement difficile à déceler lorsqu'on n'y est pas habitué et lorsqu'on commence à porter attention au jour le jour, dans le quotidien, aux pensées qui sont acheminées dans le mental. C'est à partir de ce type de prise de conscience que l'individu peut se réapproprier sa psyché, ses actions personnelles aussi en relation avec des pensées et d'y voir plus clair par rapport à sa situation. C'est sûr que lorsque l'individu regarde la réalité en face sans la polariser, eh bien c'est sûr que c'est un autre moyen aussi de s'affranchir de la manipulation. Donc être capable de supporter la réalité pour ce qu'elle est. Donc sans la surévaluer ni la sous-évaluer. Donc regarder la réalité pour ce qu'elle est avec une justesse. Et ça, c'est difficile parce que les gens, souvent, vont aimer avoir un regard sur la réalité qui fait leur affaire. Donc, autrement dit, s'ils sont en conflit avec une autre personne, eh bien, ils vont regarder la situation de conflit souvent en disant que « Ah, c'est l'autre qui a tort, c'est moi qui ai raison. » Donc, en créant une polarité, au lieu de regarder avec neutralité ses agissements et également les agissements de l'autre, pour regarder l'impact des agissements des deux personnes dans la situation. Donc, de réaliser que quelque part, les deux personnes impliquées ont une vision différente des choses et tenir compte de la vision de l'autre personne pour être capable d'élargir sa vision et de se sortir de son regard qui est avec des œillères, donc simplement au niveau de son ego, pour avoir une relation qui est beaucoup plus neutre à l'égard des différentes situations de la vie, des autres individus et de la pensée en général. Donc, de regarder son agissement et celui de l'autre comme n'étant pas nécessairement bon ou mauvais en soi, mais plutôt comme étant des agissements, point. C'est-à-dire que tant que l'individu met de la valeur émotionnelle, beau, bon, pas bon, etc., sur des agissements, lorsqu'il les évalue, c'est là qu'il se crée de la polarité. Donc, l'individu qui est capable d'aller au-delà de la polarité, il va être en mesure d'agir pour mettre fin au type de manipulation qui se rattache à un mental qui regarde la vie d'une manière polarisée. Aussi, pour se libérer de la manipulation, eh bien, c'est sûr qu'en tant qu'individu, il ne faut pas se laisser influencer par les tentatives de dévalorisation, d'infériorisation, de séduction, de culpabilisation et de déstabilisation qui peuvent provenir d'autrui ou également d'entités. Par rapport à tout ça, il faut être capable de regarder les différents types d'influence avec beaucoup de recul. Et c'est un travail qui demande une grande capacité de contenance, une grande capacité d'observation mentale, une grande capacité de regarder les choses avec un recul critique, donc de se désidentifier, entre autres, à la pensée personnelle en termes de « je » pour être capable de la regarder au loin, comme si on regardait, par exemple, un personnage sur un écran de cinéma, un peu comme quand on regarde un film à la télévision. Donc, il faut avoir un type de recul où l'on ne s'identifie plus au personnage, mais être capable d'aller d'au-delà de l'identification au jeu pour regarder les choses d'une manière beaucoup plus globale et vaste.